Mes amis, je reviens de Santa Monica. Comme vous le savez, c'est moi qui assure la défense de mon ami. Je dois rester de la confidentialité. Nous l'appellerons Michael J. Petit indice, chanteur pop qu'on appelle Bombier qui a fait pour les bambins. Il risque 20 ans de prison, le marsupial. Selon un mioche de 13 piges, mon client l'aurait fait boire. Bon, jusque-là, j'appelle ça un programme pédagogique. C'est après que ça aurait dérapé. Mon client aurait tripoté le marmot. Comme si à 13 ans, on avait besoin de quelqu'un. Moi, à cet âge-là, on aurait cru que j'avais la main greffée au slip. Avant le début du procès, je me suis entretenu avec mon client chanteur. Bon, pour commencer, on va travailler ton intervention. Qu'est-ce que tu comptes dire au jury? D'accord, je suis pas sûr que de commencer en disant que t'es mauvais va forcément te rendre service. Essaye plutôt un truc du style humble, que t'es un petit peu... Non mais j'ai compris. T'es con quoi. Je t'ai dit un truc humble du genre profil bas, du genre je suis timide, jamais de la vie je tripote les ados dans mon lit en forme de manège. Bon, attends, important également. T'es témoin de moralité, t'as qui en stock? Quoi? Elizabeth Taylor? Mais elle est morte, non? Non? Elle devrait. Qui d'autre? Ta sœur Jeannette? Celle qui fait voir ses loges pendant la mi-temps du Super Bowl? Moi, perso, je suis pour. Le problème, c'est que dans ton pays de puritain, on peut pas faire péter un téton ou une burne en public sans que les Marines viennent te foutre en tôle. Ouais, tout ça pour qu'une fois en prison, ils jouent avec tes couilles. Bon, peu importe. On s'écarte du sujet. Ta sœur, laisse tomber, c'est pas une bonne idée. Qui d'autre? Tu commences à me les casser avec ta chanson de ta viole. Ah ben, mais voilà, j'ai l'idée. Je sais ce qu'on va faire. On va les prendre à revers. Ouais, on va non seulement plaider non coupable, mais en plus tu vas porter plainte pour harcèlement sexuel du gamin sur toi. Et tu vas demander 50 millions de dollars de dommages et intérêts. T'as compris? Pauvre con. Et mon cré-cré? Eh ben voilà. Je suis rentré pour me calmer les nerfs. Ah, il m'énerve des fois mon client. Ah ouais, il m'a suivi. Ta gueule! Oh, allez, je me casse. Au revoir, Zen.